conditions sociales. Il n'y a pas d'accès au temps. Il n'y a pas de théorie du temps, du temps dont vous parlez en physique. Oui, non, c'est le temps dont vous parlez. Je suis désolé, c'est pas le temps, c'est le temps dont vous parlez. C'est le temps qui est votre référence à vous. Quand vous mesurez la durée d'une crise sociale, d'une grève, elle a commencé tel jour. Non, mais oui. Maintenant, c'est pas ça qui est. Autre chose, ça peut être une crise qui a d'autres fondements que le start qui déclenche la grève. Oui, oui, d'accord. Et votre référence pour mesurer les durées, c'est le temps physique. C'est-à-dire le temps, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a jamais d'autre. Parce que vous manquez d'imagination. Non, c'est que vous avez une heure. C'est votre référence. Oui, c'est une référence parmi d'autres, mais c'est non, tout. C'est la seule. Non. À chaque fois que vous savez l'heure qu'il est, vous regardez. Oui, effectivement. Si vous interrogez sur le non. temps qu'il a pu passer d'après votre conscience. Si c'est la question que je me pose, c'est savoir quelle heure il est, je regarde ma montre, en effet. Ouais. Mais j'ai d'autres questions aussi que je me pose. Bien sûr. Et c'est ce que je trouve. C'est que la connaissance du temps physique ne résout aucune question liée à la compréhension des temporalités.